permet de nous améliorer et de garder la condition physique. C'est un grand agent, non? Pas du tout. Je marche mal, mais une raison maintenant pour s'améliorer. Donc, là aussi, l'homme en forme, la grande santé socialiste. C'est l'image d'un PS, en tout cas, qui va bien, qui, dans un élan aussi de transparence, maîtrise et montre absolument tout, se montre sans phare, ne cache rien, donc il y a de nouveau les réflexes qui sont utilisés. Alors, on en parlera de toute façon encore de cette importance du corps en politique. Alors, avec le développement de l'impression dont je parlais il y a un instant, il y a bien sûr le développement de l'image, sous la forme de caricatures, par exemple. Déjà vers le 18e siècle, le 19e siècle, vous aviez, 18e surtout, vous aviez déjà beaucoup de caricatures, déjà avant la Révolution. De l'affiche, bien sûr, alors, fameuse affiche au moment de la Révolution qui interpellait directement les pas encore citoyens, le peuple. Et dans cette période, va se former progressivement une opinion publique qui va apparaître, surtout au moment, bien sûr, des révolutions et de la Révolution française en particulier, avec des affiches qui, encore une fois, visaient à réunir, à convaincre et à diffuser un certain nombre d'idées. Donc l'expression même de la propagande n'apparaît dans son sens politique qu'à cette époque, donc qu'à la Révolution française, voire sous la plume de Tocqueville durant la Révolution américaine. Donc c'est seulement là qu'on quitte, si vous voulez, le vocabulaire religieux ecclésiastique pour arriver avec une connotation réellement politique. Alors, s'il fallait nommer des ancêtres de la théorie de la communication politique ou de la propagande, encore à l'époque, alors c'est ni chez Machiavel, même s'il y a des éléments, mais ni chez quelques théologiens obscurs que l'on les trouverait, mais en fait, bien plus près, entre guillemets, c'est-à-dire au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Et vous avez deux sociologues, deux pères en fait de la sociologie en France, Gustave Le Bon et Gabriel Tarve, qui tous deux ont véritablement posé un petit peu la base, les bases de la compréhension de la manipulation des foules. Puisque pour faire une communication politique, on s'adresse dans un contexte démocratique bien entendu aux foules, à la masse, y compris d'ailleurs dans un contexte totalitaire, comme on verra tout à l'heure. Alors le premier, c'est donc Gustave Le Bon, qui voulait d'ailleurs faire de la psychologie politique, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages les plus connus, il voulait faire de cette psychologie politique un art de gouverner les peuples, et c'est un ouvrage qui inspirera beaucoup de leaders politiques, y compris quelqu'un comme Benito Mussolini, je ne vais pas dire que c'était son livre de chevet, mais presque, donc qui a puisé pas mal d'idées dans cet ouvrage-là. Et alors, Le Bon est donc surtout connu pour avoir écrit La psychologie des foules, qui, en fait, dans son parcours et dans son esprit, devait compléter tout un travail sur ce qu'il appelait à l'époque, attention, parce que c'est la terminologie de l'époque, ce qu'il appelait l'âme des races. Alors, aujourd'hui, le mot race est bien sûr super connoté. Mais à l'époque, les races avaient une autre définition, une autre interprétation. On parlait outre-Rhin en Allemagne de ce qu'on appelait la Volkspsychologie, donc la psychologie des peuples, et qui expliquait en fait que les croyances, les attitudes des individus étaient déterminées par les caractères communs à un peuple. Donc il n'est pas question de race d'un point de vue, je dirais, ethno-biologique, mais plutôt de ce qui est typiquement allemand, ce qui est typiquement italien, typiquement français, etc. etc. Donc des traits davantage culturels, en fait, que raciaux au sens moderne. Donc c'est un courant de pensée qui était en vogue et quasi, en fait, dominant à l'époque. Donc on s'intéressait vraiment à ces caractéristiques-là. Et Le Bon s'est inspiré également des études d'un juriste italien qui s'appelait Sigley. Et Sigley, en fait, il travaillait sur la question de la foule, mais la foule criminelle. Donc la foule criminelle, c'est bien sûr celle des émeutes, celle des lynchages, et dont chaque membre pris séparément se comporte de manière tout à fait correcte, normalement, enfin de façon civilisée. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'une fois que ces gens étaient ensemble, et avec peut-être avec cette passion qui les animait, eh bien, elle était capable, cette foule, de commettre. barbares et les plus horribles qui soient. Donc les foules psychologiques n'avaient, selon en tout cas Sigele et Le Bon, qu'un seul esprit, qu'une seule âme, si vous voulez, qu'un seul esprit, et en plus, les foules sont hautement manipulables. Et donc, pour Le Bon, vous voyez ici la citation, la foule psychologique est un être provisoire, qui est formé, bien sûr, d'éléments hétérogènes, et qui, pour un instant, se sont soudés, absolument comme des cellules qui constituent un corps vivant forme par leur réunion un être nouveau, manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune de ces cellules possède. Donc on est ici dans une métaphore organique. Hein, donc c'est la foule, c'est un corps vivant que l'on peut, du coup, en fait, manipuler et mieux comprendre. Alors, le cœur ou la clé de voûte, si vous voulez, de la théorie de Gustave Le Bon, c'est la conviction que chaque homme, chaque humain, lorsqu'il est en groupe, et en particulier dans un groupe surexcité par un meneur, par exemple Justin Bieber, perd sa conscience propre et se trouve comme, en fait, habité par une autre personnalité. Hein, donc, comme une sorte de moi collectif. Hein, donc, les believers, le moi collectif. Et donc, on est là dans un nouveau corps qui prend vie et avec lequel on peut communiquer, en fait. Alors, le deuxième grand précurseur, c'est Gabriel Tarde, donc plus ou moins à la même époque, qui lui a fait, en fait, appel aux lois de l'imitation, donc le nouveau, c'est le titre de son ouvrage, donc c'est l'imitation pour lui qui explique toute similitude sociale. Donc c'est parce que nous imitons les autres que nous pouvons finalement vivre en société. Hein. Certains parleront comme Nietzsche de l'esprit grégaire, hein, ou le moutonnage, si vous voulez. Mais donc ici, c'est les lois de l'imitation, c'est-à-dire c'est la base de ce qui nous permet de vivre en société. Et donc pour Tarde, les foules, là encore, sont d'une intolérance prodigieuse, vous voyez ici, d'un orgueil grotesque et d'une susceptibilité née de l'illusion de leur toute-puissance. Donc lui, il va s'intéresser également aux foules, mais à leur éthos, à leur comportement et à leur nature. Et vous voyez, il n'est pas tendre avec ces foules. Et alors lui, il va insister Tarde sur la contagion à distance. Donc des opinions que chacun peut subir, chacun subit en fait la persuasion presque irrésistible en vérité, du fait que justement cette masse d'hommes partage les mêmes convictions et donc vous êtes étouffé finalement par cette masse, même si au départ vous êtes un petit peu gardé de distance, en fait à un moment donné englobé. Donc pour lui, le psychisme humain, il est incroyablement manipulable, comme chez Le Bon, incroyablement plastique. Hein. Donc, il peut recevoir des injonctions venues de l'extérieur. Et ça, évidemment, quelqu'un comme Mussolini ou les propagandistes qui suivront ont pris cette explication-là à la lettre, pour s'en inspirer. Alors, voilà en tout cas pour ces deux précurseurs qui sont vraiment incontournables. Alors, pour revenir un tout petit peu à notre survol historique, toujours vers la même période, donc à la fin du 19e siècle, vers les années 1880 environ, vous avez des mouvements qui émergent un petit peu partout en Europe, des mouvements ouvriers, socialistes, anarchistes, qui vont se doter dès ces années-là, donc dès les années 1880 environ, de délégués à la propagande. Donc à l'époque, le terme propagande n'était pas connoté négativement. Au contraire, ça faisait partie, si vous voulez, de cette propagation de l'idée socialiste de la conscience ouvrière. Hein, donc la presse, le dessin, l'affiche, mais aussi, vous connaissez les maisons du peuple, hein, comme cette magnifique maison du peuple qui existait ici à Bruxelles, avant qu'elle soit rasée, avait pour vocation, justement, de faire de la propagande. Donc de devenir ou d'être des lieux, des centres d'enseignement. Tout devait en fait contribuer à la diffusion de l'idée socialiste, à la conscience ouvrière, et donc on devait fonder une identité, suffisait pas à tirer les masses de leur torpeur, eh bien, certains idéologues de cette cause-là se sont quand même posé la question, mais est-ce qu'il ne faut pas aller un petit peu plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas passer, est-ce que l'on aura aussi, ou ce qu'on aura plus tard, l'action directe? Alors, c'est quoi l'action directe? Alors, en fait, à Londres, durant ces années-là, en 1881, durant le congrès anarchiste, on a adopté, en présence d'une figure incontournable de ce mouvement-là, Louise Michel, qui est une militante anarchiste et l'une en fait des figures majeures de la Commune, de la révolte de la Commune à Paris, eh bien, on a acté le concept de propagande, ce qu'on appelle propagande par le fait. Alors, propagande par le fait, c'est une manière d'accélérer la révolte des travailleurs par l'insurrection, par la rébellion et éventuellement par la bombe. Donc, si vous voulez, ce congrès anarchiste à l'époque, pour les biens de la propagande, pour les biens de la diffusion de la pensée ouvrière, a acté le recours aux armes, aux actes, on dirait aujourd'hui les actes terroristes. Donc à partir de là, la propagande par le fait, eh bien, deviendra le synonyme d'attentat anarchiste. Qui trouvera par la suite une continuité également chez les bolcheviques, dans le communisme, comme on verra dans un instant. Alors l'âge d'or, on est là vraiment dans l'âge d'or de la propagande. C'est l'âge vraiment de la grande diffusion qui va nous amener petit à petit vers la Première Guerre mondiale, environ, donc 14-18, avec l'occupation physique, à travers les affiches, etc., et idéologique, du terrain par vraiment tous les supports disponibles, hein, la presse, les journaux, les tracts, les affiches, hein, le cinéma déjà qui naît à ce moment-là, la radio également, et vous savez, c'est les fameuses images qui restent aujourd'hui toujours très ancrées dans l'inconscient collectif. Qui vise ici à convaincre les Américains de rejoindre l'armée, eh bien, cette Première Guerre mondiale, elle va susciter une intense activité de propagande. Un petit peu partout. Et pas avec le même succès. C'est-à-dire, bien sûr, on parle des États-Unis ici, mais en Allemagne aussi, on va organiser une propagande d'État rapidement, de façon structurée et centralisée, hein, disciplinée, mais les actions de propagande du pouvoir central allemand se sont souvent révélées comme maladroites. Donc, surtout lorsque, par des communiqués officiels dans les journaux, les autorités tentaient de justifier leurs décisions ou leurs actions. Donc c'était extrêmement froid comme mode de communication. Ensuite, toujours durant cette période de la Première Guerre mondiale, vous aviez la propagande des Alliés qui débuta un petit peu plus tard, qui fut plus tardive. Mais qui fut en fait plus créative. Donc en France, vous aviez différentes initiatives privées. Le gouvernement en France, en 1916, donc au cœur de la guerre 14-18, a mis en place un bureau de documentation, un commissariat de propagande vers l'étranger et un service de guerre psychologique. Donc là, on nommait encore les choses à l'époque, hein, on ne parlait pas de département de marketing, etc. C'était vraiment encore. On nommait ça avec des termes relativement exacts. Et c'est à cette époque que fut d'ailleurs inventé le largage aérien de tracts, hein, de propagande en zone ennemie. Donc vous savez, les avions passaient et ils distribuaient, lançaient des petits bouts de papier. Et donc c'est quelque chose qui a été rapidement exploité à grande échelle par les Anglais et qui est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui, que ce soit avec des jets de flyers ou de tracts, mais également avec des banderoles. Hein, comme je pense que c'était durant le 14 juillet en France, vous aviez un avion qui passait avec Hollande d'émission. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, hein? Donc c'est quelque chose qui était relativement performant. Et les Anglais, eux, ont fait appel pour organiser leur propagande à des personnalités des milieux de la presse, à des intellectuels également, et des journalistes, des personnalités parmi lesquelles on retrouvait quelqu'un comme George Wells, donc l'auteur de La Guerre des Mondes, hein, donc des écrivains, des orateurs et des talentueux écrivains pour justement travailler à ces messages. Alors, ils ont mis en place un certain nombre de règles, déjà à l'époque. Donc, c'était des règles un tout petit peu idéalisées, hein, Donc le fait qu'une campagne de propagande ne peut pas être organisée sur base d'une définition précise d'un projet politique, donc la propagande ne peut pas mentir ou induire en erreur selon une idéologie politique, donc elle doit en fait faire de la communication publique, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, il faut éviter de recourir au mensonge, et il faut éviter l'équivoque ou les messages peu clairs, contradictoires. Donc on est là dans des guidelines, si vous voulez, qui étaient relativement, je pense, en tout cas bien intentionnés, mais on a vu très vite qu'elles n'ont pas été, en tout cas, respectées, puisque les actions de la propagande anglaise sont bien sûr avérées tout à fait efficaces en territoire ennemi, pour démoraliser les troupes ennemies, mais les bons principes de départ, en tout cas, ont rapidement cédé devant en fait, les dures réalités de la guerre. Alors on a très rapidement commencé à exagérer les faits, à déformer les faits et y mettre en place ce qu'on appelle des mensonges officiels. Et donc un député britannique à l'époque, particulièrement critique à l'égard de la propagande anglaise, déclarait dans ses mémoires « Quand la guerre est déclarée, la vérité est la première victime. » Donc en temps de guerre, la vérité elle cesse en fait d'exister. Et des éléments qu'on retrouve ici en 1418, là aussi, vous allez voir que selon des grilles de lecture modernes, on peut tout à fait les appliquer à des efforts de guerre contemporains. Alors là aussi, il y a des personnages relativement incontournables qui apparaissent, comme quelqu'un qui s'appelle Arthur Ponsonby. Alors on va juste voir ça rapidement, et puis après je vous promets de faire une petite pause. Donc Arthur Ponsonby qui, en fait, s'est intéressé au mécanisme de la propagande, et donc il va décrire la façon dont la propagande s'est employé en 1418 à dépeindre les Allemands comme des vicieux criminels et le Kaiser, donc l'empereur à l'époque de l'Empire allemand, comme un monstre en fait tout à fait sanguinaire. Donc il a analysé comment, durant cette guerre, ont été fabriquées de toutes pièces des histoires d'atrocités répétées jour après jour et diffusées au moyen d'affiches, de brochures, de lettres de discours, etc. Donc il était question à l'époque déjà de récits d'enfants martyrisés, mains coupées, d'infirmières mutilées, de cadavres utilisés pour produire du savon. Enfin, tout ça a été mis en circulation pour démoraliser et surtout faire de l'ennemi allemand à l'époque un monstre absolu. Et donc il a souligné justement cette nécessité d'enflammer les passions pour maintenir les forces de guerre. Donc c'est, vous savez, c'est les fameuses armes de destruction massive, hein, que l'on trouve un petit peu partout, hein, pour justifier l'effort de guerre et pour nourrir également une forme d'hystérie collective. Alors il va relever des efforts qui ont été également éliminés, des efforts qui ont été mis en œuvre pour éliminer toute trace de justification dans le chef de l'ennemi. Donc l'ennemi était déshumanisé, il n'avait plus droit à la parole, il ne pouvait plus expliquer pourquoi lui, en tout cas, il combattait. Et donc vous avez ces 10 règles-là, je vous la mets ici, mais vous avez, de toute façon, je vous enverrai sur l'UV, vous aurez accès aux slides, hein, donc tout ça figurera également dans les notes, c'est tout un concept, donc ne vous perdez pas le temps à taper tout ça. Mais regardez en tout cas ces 10 points et réfléchissez juste à une situation de guerre actuelle, ça peut être dans différents endroits du monde, et regardez si ça correspond. Alors d'abord, l'idée que notre camp ne veut pas la guerre, c'est pas le mot, hein, que l'adversaire en est bien sûr responsable, troisièmement, qu'il est moralement condamnable, quatrièmement, que la guerre a des nobles buts, des nobles intentions, donc dimension et un point de forme morale, cinq, que l'ennemi commet des atrocités délibérées, ou pas, éventuellement des crimes de guerre, six, qu'il subit bien plus de pertes que nous. Pour l'exemple de l'Irak, hein, vous savez, les Américains, durant la première guerre du Golfe, expliquaient qu'en fait, il n'y avait quasiment pas de victimes dans leur rang. Sept, que bah, Dieu est avec nous, hein, bien sûr, ça en général, c'est plutôt pratique, y compris les nazis, vous savez, avaient, sur leur ceinturon, avait écrit « Gott mit uns », donc « Dieu avec nous ». Donc huit, que le monde de l'art et de la culture approuve notre combat, donc on va chercher les intellectuels, les artistes du monde de la culture pour nous défendre. des grands philosophes, des Bernard Henri Lévis, etc. 9, que l'ennemi utilise des armes illicites, les fameuses armes des autres racines. Et 10, que ceux qui doutent des 9 premiers principes sont soit des traîtres, soit des victimes de mensonges adverses, car l'ennemi, bien sûr, contrairement à nous, qui informons, fait la propagande. Hein, tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc voilà en tout cas une espèce de décalogue, 10 points que l'on retrouve en tout cas dans toute forme de propagande. Et bien sûr, il y a un certain nombre de, je dirais, de dommages collatéraux, hein, les drones, les boucliers humains, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on met vraiment en place cette propagande systématique. Je vous propose de faire une petite pause maintenant, et je vous promets aussi aujourd'hui qu'on terminera un petit peu plus tôt que les temps de guerre. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut absolument, par tous les moyens, diffuser des messages, peu importe qu'ils soient vrais ou faux. Hein. Et donc, vous vous souvenez des épisodes beaucoup plus récents, durant la... Quand je vous disais, vous êtes soit avec nous ou contre nous, en 2003-2004, lorsqu'il y a eu cette décision unilatérale des Américains d'attaquer à nouveau l'Irak, et que certains pays en Europe, la France en l'occurrence, en première ligne, a refusé de participer à l'effort de guerre, eh bien, il y a eu une sorte de haine, en tout cas, qui pendant un moment, émané en tout cas du peuple américain vis-à-vis des femmes, en tout cas, du pouvoir en place, de George W. Bush, vis-à-vis des Français, et pendant quelques temps, bon, évidemment, en Belgique, ça n'a pas vraiment d'incidence, mais vous savez qu'aux États-Unis, les frites, c'est les French fries, et donc pendant toute une période, on a renommé les French fries les Freedom Fries, parce qu'on ne voulait plus rien de French, en fait, aux États-Unis. Alors il fallait peut-être leur dire que c'était belge, mais bon, ça serait peut-être trop compliqué. Et donc, ces efforts de guerre, cette propagande, ce mensonge, on le retrouve un petit peu partout. Bien sûr, dans la propagande nazie, avec l'image extrêmement manipulée, et surtout tout le travail, on le verra plus tard, de manipulation faite autour de la détestation des juifs. Et puis, y compris du côté des alliés, il y a eu l'utilisation de tous les moyens de communication possibles et imaginables pour faire passer ces idées-là. Alors, si je vous dis... qu'on a épuisé, bien sûr, la presse, la radio, etc., c'est tout à fait logique, mais également l'industrie culturelle naissance, en l'occurrence, des cinémas. Thank you. service annuel, sinon évidemment on va procrastiner avec ce genre de choses. Donc, à l'époque déjà, vous voyez, l'industrie du cinéma a mis la contribution. Un peu plus tard, on est toujours, là je reviens en arrière avec Bon Zombie, donc pour la Première Guerre mondiale, vous avez eu une autre personne qui a marqué profondément cette histoire de la propagande, c'est George Creel. Alors George Creel, il est connu pour d'abord avoir été un journaliste de feuilles à scandale, donc l'équivalent de Sud Presse en Belgique, et qui voudra aider en fait le pouvoir en place pour mobiliser le monde culturel, les acteurs, les cinéastes, les graphistes, etc., pour les inciter à faire quoi ? Eh bien, à retourner l'opinion sur une question très très touchy à l'époque, puisque aux États-Unis, il était question d'entrer en guerre, là où le président de l'époque avait martelé sa neutralité et fait toute sa campagne sur sa volonté de justement ne pas entrer en guerre, et donc il fallait absolument convaincre les gens que maintenant il fallait en fait changer d'avis. Et donc les débats sur l'entrée en guerre ont fait d'abord l'affaire des manières de la presse de l'époque, hein, donc des gens comme William Hearst, à travers son New York Morning Journal, était absolument opposé à l'entrée en guerre, et puis d'autres comme Joseph Pulitzer, hein, vous connaissez Pulitzer, qui était à l'époque propriétaire d'un journal qui s'appelait The World, lui était pour la guerre. Et donc il y a eu un gros débat à cette époque-là. Et le but, bien sûr, c'était de faire changer l'opinion publique sur cette question-là. Alors, pourquoi est-ce que c'était un problème aux États-Unis ? Eh bien, parce que sur le sol américain et dans la population américaine, vous aviez bien sûr beaucoup de personnes, de populations d'origine européenne. Hein, donc, beaucoup de gens, en fait, d'origine allemande, dans la région de la Pennsylvanie, etc., qui en fait étaient un petit peu embêtés avec cette question-là, donc attaquer leur pays d'origine. Et donc il fallait effectivement trouver une solution. Il y avait même une alliance qui s'appelait le Deutsche Amerikaner Bund, donc l'Union germano-américaine. Mais le président de l'époque, Woodrow Wilson, qui s'était fait élire donc sur cette promesse de ne pas entrer en guerre, a décidé en 1917, donc vraiment à la fin, de finalement changer de politique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer des comités, des Committee on Public Information, donc des comités d'information publique, dont la mission consistera à convaincre les Américains, y compris d'ailleurs les immigrés allemands, de la nécessité et aussi de la légitimité morale de l'implication américaine dans le conflit. Et donc, il va mettre en place des ce qu'on va appeler plus tard des Loyalty Leagues, des ligues de loyauté, avec des brochures et des films. Et c'est là que George Creel va intervenir, puisque George Creel, il va former ce qu'on va appeler les Four Minute Men. Alors, Four Minute Men, pourquoi ? Parce que c'est des individus, des gens comme tout le monde, qui seront formés à la propagande et qui prendront la parole dans les lieux publics, les cinémas, les temples, les synagogues, les églises, etc., pour prêcher l'entrée en guerre durant 4 minutes. Hein, c'est plus court qu'un TED Talk. C'est vraiment, l'idée, c'est d'être performant, d'être convaincant en quelques minutes. Et donc l'idée de cette croisade des États-Unis contre les ennemis allemands que l'on devait dépeindre comme étant monstrueux à l'époque, eh bien, encore une fois, a été renforcée à cette époque où évidemment, il y a eu la représentation du Kaiser, que vous voyez ici au milieu, donc l'empereur allemand en monstre, soit en King Kong, comme vous le voyez. Et donc, énormément de propagande, y compris, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à travers des dessins animés, donc ça c'est bien sûr beaucoup plus tard, au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais des images qui ont fortement marqué l'opinion, et des publicitaires. Donc regardez l'image ici en haut à gauche, « Destroy this mad brute », donc le casque à pointe, hein, qui bien sûr le casque prussien de l'armée de l'empereur allemand, et qu'on retrouve un peu plus tard dans des images relativement inspirées. Donc on va être vraiment rentré dans la culture américaine à cette époque-là. Et donc l'idée justement de convaincre à travers une communication simple, à travers des forums minutemen. Elle a amené justement George Clear à dire dans ses mémoires, des mémoires qui vont s'appeler « Comment nous avons convaincu l'Amérique par la publicité ?» Donc on est déjà en fait dans la préhistoire de la publicité politique. Eh bien, il résume son expérience en disant « Ça a été un combat pour l'esprit des hommes. » Donc il fallait vraiment s'adresser à l'esprit des hommes. Alors la propagande très brutale, comme vous le voyez ici, de ces comités de public information, va soulever pas mal de contestations et va finalement, donc ces comités vont être dissous après la guerre en 1919. Et donc on lui doit en tout cas à George Creel pas mal d'innovations, des idées qui ont été d'ailleurs reprises là encore une fois à l'histoire religieuse, donc à Saint Augustin, à Saint Thomas d'Aquin, c'est la notion de guerre juste, just war, donc que l'on retrouve encore aujourd'hui. La notion de guerre juste et qui était nécessaire pour la paix et pour les droits de l'homme. Donc, une question de guerre moralement acceptable a été vraiment façonnée à cette époque. Alors, donc, avec énormément d'images, donc, Magnus Kant, Fotenes, donc, il y a aussi l'idée de montrer qu'en captivité, les gens, ici en l'occurrence en Belgique, étaient extrêmement maltraités par l'occupant allemand. Alors, une autre personne vraiment incontournable à l'époque, que vous connaissez peut-être, c'est Edouard Bernays. Bernays qui est donc l'auteur de Propaganda, donc aussi on est très clair sur le contenu. Et Edouard Bernays, on a parlé pour ceux qui ont le cours avec moi il y a 2 ans dans le cours de communication de l'organisation, c'est d'une part le neveu de Freud. Donc, quelqu'un dans le Sigmund Freud, donc quelqu'un qui a essayé d'introduire justement l'œuvre de son oncle aux États-Unis, mais en exploitant la psychanalyse, non pas pour sauver et pour aider des personnes avec des problèmes psychologiques, hein, avec des problèmes de névrose ou de psychose, mais plutôt avec un objectif bien plus rentable, et pour de la publicité et pour, bien sûr, de la communication politique. Et donc, après la propagande de guerre, il va se mettre au service d'hommes politiques pour faire leur com, déjà à l'époque, ou de cause. Par exemple, il va militer et aider les entreprises à communiquer sur les bienfaits du tabac. Ce qui est quand même un petit peu bizarre, mais comme vous le savez peut-être, Sigmund Freud est mort d'un cancer de la langue. Mais donc, il va se mettre au service des grandes compagnies pour faire déjà de la publicité et utiliser ces techniques de persuasion, d'abord utilisées à des fins politiques, pour évidemment des entreprises et des marques. Alors, Bernays, on le considère comme le fondateur de relations publiques, mais c'est également l'un des pionniers de la communication politique. Et son livre Propaganda, que je vous conseille vraiment, qui a été réédité il y a quelques années, c'est vraiment un ouvrage, à l'instar en fait du Prince de Machiavel, qui est extrêmement cynique, hein, puisque l'idée c'est vraiment de mettre son agence de communication au service d'hommes politiques américains à l'époque, ou de gouvernements étrangers, ce qu'il va faire également, et ce qui fait bien sûr de lui également un des pionniers du marketing politique. Donc vous voyez que ces domaines de la propagande, de la publicité, du marketing politique, à ce moment-là, en tout cas, fonctionnent encore de manière relativement unifiée et donc les individus travaillent pour ces différents projets. Alors, on va parler à l'époque avec Creel, avec Bernays, avec Ponsonby, dont on a parlé avant, on va parler d'ingénierie du consentement. Donc on a les ingénieurs, en fait, du consentement. Donc c'est la persuasion, c'est la propagande, et c'est un fait, en tout cas, de dire ingénierie du consentement. Et le but, c'est bien sûr de s'adresser directement à l'inconscient des masses par des symboles efficaces, des répétitions, préférer l'image au discours, et, encore une fois, recourir à l'influence de leaders d'opinion, déjà, des opinion leaders qui vont, comme les Four Minute Men, vous persuader et qui ne sont pas directement affectés par le pouvoir. persuadés que la cause défendue, en tout cas par eux, est juste. Alors, le triomphe de ces industries de la propagande, c'est bien sûr la propagande bolchevique et la propagande fasciste ou nazie par la suite. Hein. Donc on va maintenant parler de ça, avant la fin du cours. Et on en parlera ces prochaines semaines, puisqu'on va relativement... on fera des rappels historiques lorsqu'on aura besoin, justement, de comparer la communication contemporaine. Alors, le premier regard, c'est le regard sur cette communication bolchevique. Alors, vous reconnaissez bien sûr Lénine. Alors, les bolcheviques sont des membres d'une fraction du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Donc, on est de nouveau dans cette philosophie ouvrière dont on parlait tout à l'heure, avec la propagande par le fait, avec les maisons du peuple, avec le socialisme, en fait, tel qu'il est apparu au moment du 19e siècle. Et les bolcheviques ont été lancés, ont vraiment connu leur apogée au début du XXe siècle, vers 1903 environ, sous la direction de Lénine, et ils sont devenus un parti indépendant par la suite, vers 1912. Donc, après la révolution russe, c'est pas un cours sur la révolution russe, mais après la révolution russe de février 1917, eh bien, les bolcheviques vont prendre le pouvoir au nom des soviets, et donc c'est ces bolcheviques-là qui, dans le cadre de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, vont vraiment donner naissance à cet État communiste comme on l'a connu durant le XXe siècle. Et donc en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, le Parti bolchevique est renommé le Parti communiste. Voilà pour cette petite parenthèse, en tout cas, de contextualisation historique. Alors, conceptuellement, la propagande qui est orchestrée, mise en œuvre par les révolutionnaires est à l'époque systématisée par Lénine, donc, ou professionnalisée, si vous voulez. Et ce que veut Lénine, avant tout, c'est une élite éclairée et consciente qui doit, en fait, amener la masse, la grande foule, la masse des gens, à comprendre, d'abord, les idéaux bolcheviques à l'époque, et à agir. Donc, pas seulement comprendre, mais également les pousser à l'action. Alors, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la question de la propagande, quelqu'un qui s'appelle Jacques Ellul, on verra encore cette prochaine semaine dans le cours, Jacques Ellul, il parle d'un concept qu'il nomme l'orthopraxie. Alors, vous voyez qu'il y a un rapport avec l'orthodoxie, mais l'orthopraxie, c'est cette qualification, il veut en fait qualifier cette nouvelle propagande qui n'agit pas seulement sur le raisonnement, sur la compréhension du message, mais également qui a pour but de provoquer l'action. Donc le praxis, hein, c'est la mise en œuvre, l'action. Donc on n'est pas seulement dans la doxa, dans le dogme, mais également dans le fait de pousser les gens à faire des choses, à agir. Et donc, elle va s'articuler autour de deux procédés distincts et complémentaires qui vont fonder justement cette mobilisation des foules. Il y a d'une part ce qu'on appelle la révélation politique, la révélation politique, et puis deuxièmement, le mot d'ordre. En fait, c'est relativement simple, révélation politique et mot d'ordre. La révélation politique, c'est quoi ? Eh bien, c'est dénoncer un certain nombre de réalités sociales, hein, ce que font toujours d'ailleurs certains partis politiques aujourd'hui, de dire, regardez, il est indigné du monde dans lequel on vit, etc. Donc regardez, et donc c'est justement contaminer et pousser des gens à s'indigner aussi, d'une certaine manière, sur une réalité sociale qui peut-être jusque-là laissait les gens relativement passifs. Et donc pour montrer en tout cas que le système est injuste. Donc la révélation politique, c'est mettre le nez des gens ou les faire comprendre aux gens qu'ils vivent dans un monde injuste, dans un système injuste. Et pour reprendre les termes de Karl Marx, eh bien, il s'agit de montrer que cette oppression que vivent la classe ouvrière en particulier est bien réelle. Et donc il faut montrer que l'oppression est réelle, et il faut finalement montrer que c'est honteux de l'accepter. Donc il y a si vous restez les bras croisés, si vous ne faites rien, c'est une honte. Okay, donc il faut jouer bien sûr sur les sentiments et sur cette révélation-là. Alors plus tard, cette révélation politique, elle a été en fait utilisée à contresens par le pouvoir communiste. Au contraire, on ne va pas expliquer que le système dans lequel les gens vivent est terrible, mais on va plutôt montrer que le système communiste soviétique est absolument fabuleux. Et donc on va mettre en avant les exploits, parfois réels, parfois exagérés ou inventés, des différentes personnes lambda, de l'ouvrier lambda, du travailleur qui est en fait idéalisé dans cette communication-là. On peut citer aussi des personnalités comme Stakhanov, qui est un ouvrier, d'où provient d'ailleurs le terme stakhanoviste, hein, quelqu'un qui travaille énormément, et Gagarine, hein, qu'on a envoyé dans l'espace, les champions olympiques, qui étaient là aussi magnifiés et mis sur un piédestal, mais qui étaient à chaque fois des exemplaires en fait, de cet ouvrier communiste modèle sur lequel il fallait absolument communiquer. Et donc cette propagande permanente, elle est devenue à cette époque-là un pilier de l'organisation sociale et de l'organisation politique. Donc l'élite voulait avant tout une élite éclairée, je l'ai déjà dit, et qui, encore une fois, amenait cette masse à comprendre bien sûr l'idéal, mais également à soit se contenter du système tel qu'il était lorsque le système a été mis en place, soit qui poussait à la révolution telle qu'on l'a connue durant les années 10 en Russie. Alors ça, c'est donc la révélation politique. Ensuite, les mots d'ordre. Les mots d'ordre, c'est quoi? Eh bien, c'est des formules, encore une fois, claires, brèves, que tout le monde doit comprendre. Un petit peu comme avec les 4-Minute Men aux États-Unis, l'idée, c'est d'avoir des catchy phrases, donc des phrases qui sont percutantes et qui permettent, là encore une fois, de s'appuyer sur des désirs et des aspirations latentes au sein de la population, et qui éveille peut-être encore une fois l'envie de militer, de se lancer dans l'action effectivement collective. Alors c'est des mots d'ordre qui ont été repris par tous les moyens de la propagande classique, encore une fois, et les mots d'ordre permettaient justement une diffusion assez rapide et sans moyens logistiques trop importants par des simples effets de répétition. Donc l'idée c'était de marteler des slogans. Déjà à l'époque, donc on était avant en fait l'âge de la publicité, mais on martelait déjà des slogans, comme parmi les plus connus, vous aviez « Terre et paix », donc l'idée que le communisme apportait, bien sûr, une gestion collective de la terre et de la paix, « Tout le pouvoir aux soviets », hein, ça aussi c'était martelé, et « Pain, paix et liberté », donc pas du pain et des jeux, mais « Pain, paix et liberté », qui à cette époque-là également était martelé. Alors plus généralement, Lénine va comprendre l'importance d'un contrôle direct et d'un contrôle complet des médias. Donc il va très rapidement nationaliser le cinéma en 1919. Donc, il va étatiser la presse en 1922. Et il va créer un service radiophonique, là aussi officiel, en 1924. Donc vous voyez qu'en 5 ans, il a contrôlé tous les médias. Donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pluralisme, en tout cas, dans les médias, à ce moment-là. Et l'autre concept qui revient un peu régulièrement avec cette propagande, en tout cas, léniniste et soviétique, c'est la notion d'agitation et de propagande, dans ce qu'on appelle l'agite propre. Chose que vous voyez peut-être parfois dans des articles de presse, on parle de temps à autre d'agite propre. Donc c'est l'agitation et la propagande. Et en effet, dans ces modalités pratiques, les dispositifs de propagande s'appuyaient sur des opérations d'agitation, des agitations du peuple, etc. Et donc pas seulement la propagande par des messages, par des slogans, mais également on va essayer d'agiter, créer des petites rébellions ici et là. Et donc l'agitateur va se charger de faire passer un petit nombre d'idées à un grand nombre d'individus, voire des foules. Donc l'agitprop, typiquement aux États-Unis, c'est le 4-Minute Man hein, qui débarque ici dans l'auditoire et qui dit « Attention, regardez dans quel système pourri nous vivons, vous devez absolument tout changer, etc. Suivez tel parti dans sa conquête. » Donc voilà, il y a une une démarche en tout cas qui est animée par le seul but de déclencher le mécontentement et l'agitation, bien sûr. Donc le but, c'est de s'appuyer sur l'oralité, sur les discours qui là aussi sont percutants, et en prononçant des discours souvent enflammés. Donc il faut des orateurs talentueux, hein, des tribuns du peuple talentueux. Donc voilà en tout cas de manière très resserrée cette propagande bolchevique, et on en parlera encore bien sûr ces prochaines semaines. Et dernier point que je vais aborder avec vous, et qui est quand même incontournable dans ce bref survol historique de l'histoire de la propagande, c'est bien sûr la propagande nazie. Hein. On l'a vu déjà dans le dessin animé de Disney. Donc on est toujours dans cette époque des totalitarismes, et on verra d'ailleurs au début de la semaine prochaine une contre-propagande qui va se mettre en place juste après. Mais donc là, il faut savoir que cette propagande nazie, elle a également puisé dans ce qui existait auparavant, notamment, chronologiquement, quelqu'un comme Benito Mussolini, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il a été le premier en Italie à tirer profit dès les années 20 des méthodes qui ont été développées par les bolcheviques, dont on vient de parler, mais également ce qu'il a lu dans Gustave Le Bon, Tard, etc., dont on a parlé durant la première heure. Et ce n'est seulement qu'ensuite que cette machine de propagande nazie s'organisera et s'appuiera sur une synthèse de toutes ces techniques déjà existantes, qui ont été développées jusque-là. Y compris des procédés qui ont été imaginés par des publicitaires américains. Donc y compris ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de Bernays, donc une espèce de marketing avant l'heure, qui a également inspiré des communicants nazis. Alors, la propagande chez les nazis était vraiment au centre des préoccupations pratiques, doctrinales, mais également idéologiques. Donc, ce n'était pas uniquement, encore une fois, un département secondaire de la stratégie des nazis, c'était vraiment le cœur de la machine de conquête du pouvoir nazi. Alors Hitler lui-même, qui a été détenu pendant plusieurs années après un putsch raté à Munich, à la fin des années 20, va consacrer deux chapitres de son ouvrage Mein Kampf, hein, vous connaissez, Mon combat, le fameux livre, à la question de la propagande. Donc il va décrire dans ces deux chapitres pourquoi la propagande est importante et comment est-ce qu'il entendait justement utiliser cette propagande. Alors pour lui, la propagande, c'est un vecteur naturel qui est au service d'une idéologie et qui jaillit en fait d'abord dans la tête d'une minorité de passionnés, donc ces fameuses élites que l'on retrouve également chez Lénine, avant de se propager dans le reste de la population. Et donc la propagande, selon Hitler, c'est l'idée révolutionnaire en expansion. Donc c'est une idée révolutionnaire qui démarre d'abord chez certaines personnes et puis par la suite va se répandre. Et donc, il n'y a pas seulement Mein Kampf d'ailleurs qui explique cela. L'un des ouvrages fondateurs de la propagande nazie a été attribué à quelqu'un d'autre, qui est pas du tout connu, qui s'appelle l'Oberst Blau. Alors, Oberst en allemand, c'est enfin, l'équivalent d'un colonel, et donc Blau, c'est son nom, et qui était le chef du laboratoire psychologique du ministère de la guerre, et qui va rédiger, pour un usage d'abord interne, la propagande comme arme, donc en allemand c'est Propaganda als Waffe, et c'est un ouvrage qui sortira relativement tardivement, en 1935, et qui va là aussi constituer une sorte de manuel de mode d'emploi pour les nazis. Et dans ce document, dans cet ouvrage, en fait, il fait la synthèse des théories sociologiques, psychanalytiques, la question par exemple de la satisfaction des besoins fondamentaux et l'analyse des faits sociaux et de l'inconscient. Donc on va déjà questionner la psyché en fait des individus, un petit peu comme l'a fait Le Bon ou comme l'a fait Stig ou comme l'a fait Tard, donc la psychologie des foules qui devient là encore une fois l'élément central de ce questionnement visant à au perfectionnement de la propagande. Et donc, un des principes fondamentaux de la machine de propagande nazie apparaît clairement dès la naissance du mouvement, avec le recours, comme vous le savez bien sûr, le recours de symboles forts, d'une iconographie relativement, en fait tout à fait performante. Donc la fameuse croix gammée, et puis d'autres croix, et de symboles plutôt qui également ont existé pour les différentes milices rattachées au mouvement. Et donc justement, cette croix gammée, cette svastika que vous voyez là, bien a fait l'objet d'explications très élaborées a posteriori. Il semble en fait que très simplement, le mouvement ait choisi un symbole qui se voulait en fait clair, distinctif, équilibré, et surtout très facile à reproduire, donc qu'on puisse vraiment tout de suite reconnaître. Hein, donc au-delà de toutes les explications mystiques ou historiques, puisqu'on retrouve évidemment ceci déjà enfin, dans d'autres cultures, en Inde par exemple. L'association des deux composantes clés au sein du nazisme, d'un côté une symbolique très forte à travers des images et à travers des slogans, des logos, etc., et de l'autre côté une violence officielle, c'est-à-dire utilisée comme chez les bolcheviks ou ailleurs, chez les anarchistes avec les attentats, la bombe, etc. Eh bien, c'est ça le cocktail, je dirais, du propagandiste nazi. Hein. Donc, c'est combiner symbolisme et violence dans l'espace public. Et c'est avant tout pour atteindre cette masse, la grande masse des citoyens, la masse passive, que tant d'efforts ont été à l'époque déployés pour que cette propagande exerce à tout instant une pression en fait sur les gens dans la rue, à partir de stimuli, hein, d'un fait relativement simple, et en recourant, s'il le faut, à l'intimidation. Donc c'est les SA, la première milice nazie, c'était les fameux SA, c'est des assauts qui, en fait, ont terrorisé les centres-villes de temps à autre, en faisant des ratonnades, descendant dans la rue, à bord de camions, et tabassant des personnes. Donc l'intimidation, et à l'époque on parle de senso-propagande, donc senso-sensoriel, hein, senso-propagande, qui, le but bien sûr, c'est de susciter d'une part la peur, mais également l'enthousiasme, la force qui est déployée visiblement par ces personnages, bien sûr impressionnés. Alors vous aviez donc les fameux SA, donc SA c'est Sturmabteilung, donc les sections d'assaut, qui ont démarré, mais qui très rapidement ont été mis de côté car trop ingérables, je dirais. Donc, pas faire l'histoire de la propagande nazie non plus que ça, mais vous connaissez peut-être cette fameuse nuit des longs couteaux où en fait les SS et d'autres corps d'élite des nazis ont liquidé les SA qui étaient des sortes de scouts surarmés et absolument incontrôlables. Et qui ont été liquidés ce soir-là. Il y a d'ailleurs un film de Visconti, L'Étalé, qui retrace tout ça, que je vous invite à regarder. Alors, le ministre de la propagande, vous connaissez probablement aussi ce personnage, c'est Joseph Goebbels. Alors, il a été nommé par Hitler en 1933, et donc Joseph Goebbels est l'un des... En fait, même si c'est de prime abord, mais en tout cas l'un des pères de la communication politique moderne, puisqu'il a déjà travaillé à quelque chose dont on parlera ces prochaines semaines, c'est l'idée de méta-politique. Donc l'idée qu'il faut d'abord retourner encore l'opinion, introduire l'idéologie pour contrecarrer l'idéologie dominante, avant de réellement gagner la bataille des urnes et de gagner des élections. Donc il faut d'abord que... Ce qu'en Flandre on appelle le Grundsturm, donc le courant dominant idéologique de la société, soit prêt à accueillir ce type de pouvoir. Et donc, l'idée que le combat politique est un combat total, qui passe aussi par la culture, par l'esthétique, par les valeurs, bref, que la propagande doit diffuser une vision du monde global, eh bien, a vraiment été travaillée par Goebbels. Et donc, il y a aussi cette mise en scène que vous connaissez probablement tous, des grands meetings nazis à Nuremberg sur le Reichsparteitagsgelände, désolé c'est un terme allemand, c'est l'espace où se passaient justement les festivités du Reich, et à Nuremberg, vous voyez, c'est une dimension énorme et fortement inspirée par romantique, hein, déjà, à cette époque-là. Et donc, là aussi, il y a cette idée, encore une fois, d'un art total, comme on l'a vu tout à l'heure avec, avec Louis XIV. Donc, esthétisme, musique, marche de tambour, etc. Et alors, il a pu compter, notre ami Goebbels, sur une talentueuse cinéaste, qui n'était autre que Leni Riefenstahl. Alors, Leni Riefenstahl, eh bien, c'est elle qui a réalisé tous ces films de propagande. À l'époque, on voyait ça comme des films documentaires. Bon, je vais passer un fond pour continuer à parler. Donc vous aviez effectivement des termes comme des films comme Le Triomphe de la Volonté, hein, Le Triomphe des Willens, qui ont cherché là aussi à mettre en condition. Donc voilà à quoi ça semblait. Donc vous voyez effectivement qu'il y a la volonté d'un homme de mettre en condition et donc Riefenstahl va placer des caméras de manière à créer une ambiance quasi mythologique autour des chefs du parti et dans un décor qui a été conçu par le célèbre architecte nazi Albert Speer, à qui on doit justement cet espace et qui voudra par la suite d'ailleurs reconstruire totalement Berlin. Et donc il y a des effets de lumière, il y a la musique, les symboles du parti, la croix gammée, les drapeaux, l'aigle du Reich, et donc tout ça évidemment est très impressionnant, en tout cas à l'époque, et ce documentaire, puisque il a été présenté dès un documentaire par Leni Riefenstahl, lui vaudra un lion d'or à la Mostra de Venise, et un grand prix international lors de l'exposition universelle de Paris en 1937. Donc, à l'époque, en tout cas, peut-être les esprits critiques n'étaient pas encore tout à fait performants. Alors, la propagande nazie, je dirais qu'elle souffrait bien sûr de quelques défauts. Et il y a d'abord un manque de centralisation qui conduisait quelques dissonances. Je parlais tout à l'heure des SA qui étaient relativement contrôlables. Et puis le ministère de Goebbels n'avait pas un contrôle, je dirais, direct sur les actions entreprises par les autres ministères, par exemple le ministère des Affaires étrangères, ou par la police des SS de Himmler, ou encore par Göring et son ministère de l'économie. Donc il n'y a pas encore vraiment de coordination complète. Mais on voit en tout cas que ces grandes messes nazies, ces grands rassemblements, là encore une fois, c'est pas quelque chose qui a été complètement abandonné. Il y a quelques années, en 2010, vous avez eu un énorme rassemblement. Alors évidemment, on est ailleurs, hein, on est à Washington. C'est l'endroit exact où le président prête normalement serment. Et vous aviez ce rally, donc ce grand rassemblement qui avait pour nom et pour thème Restoring Honor. Donc Restoring Honor, donc c'est restaurer l'honneur du peuple américain. Et ça a été en fait organisé par le Tea Party, dont on parlera probablement ces prochaines semaines également, et à l'initiative d'un certain Glenn Beck, qui est en fait un animateur de la chaîne Fox, enfin, qui maintenant, je pense, Mais donc là aussi, la volonté, c'est d'impressionner et d'avoir une espèce de rassemblement monstre qui reprend, encore une fois, un certain nombre de codes. Voilà, j'ai promis de terminer un petit peu plus tôt. Donc,